cloche, tourner, changer les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. C'était football après l'école, impasse des cordeliers. J'usais mes grolles, au bout de 20 pas, je courais direct chez le cordonnier. Les années défilent et je me dis qu'il était bon ce temps. Maintenant, j'ai deux filles, je dois être exemplaire et constant. Étant jeune, on voulait de la thune, on rêvait d'être grand. Dire à ses lacunes, maintenant on évite le sujet d'argent. Bizarrement, tout se ressent, mais des soucis en plus. Rassemblement, si sur le côté de marché, M+. T'rappelles, il n'y a pas eu que des bons moments. Traverser des galères, mais pour les décrire, les mots me manquent. C'était les boîtes de nuit, Bacardi, plus le coca. Maintenant, c'est les soirées familiales, plutôt au calme. À l'époque, c'était les regards de travers. Aujourd'hui, ça a changé, mon pote. Regarde, tu es devenu mon frère. 10 ans plus tard, c'est les mêmes qui rappent. Les thèmes s'enchaînent. M-Atom, SKSX, on espère que ça durera. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. J'ai pris de l'altitude avec les erreurs. Avant c'était un film d'aventure, maintenant c'est juste un film d'horreur. Je regardais le futur avec stupeur. Depuis je fonce dans les murs sans peur. Je fonce dans les murs, ceinture détachée. Je passe d'hyper beatmaker aux centaines d'instrus gâchés. Un mal reproducteur aux enfants cachés. Test au micro 1-2. Où sont passées les scènes pleines de fans pleines de femmes à qui mettre des putains de coups de queue. La plateforme c'est Jamendo à l'ancienne. C'est Laserdisc. Ils disent que je suis pas dans le move et j'en ai plein d'eau. Soit je suis trop en avance, soit je suis trop en retard gros. Peut-être trop amateur ou peut-être pas assez pro, qui sait. ODS Lab, SM3, c'est rincé. Factory, c'est vendredi non-stop. MDRA sans pisser dessus. J'serai pas de concert, j'ai aucun 16 en tête. Si ce ma bite est vraiment trop con. Si t'as pas deviné la rime, j'pars en 7 dessus. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. Ouais, les souvenirs s'effacent. Remarque qu'il fallait de la place. Maintenant la tise, cherche à en faire hélas. J'agis envers et contre tous. Paradoxalement, je suis sorti en douce. Mais souvent rentré de l'équinoxe allemand. Avant c'était la folie, on se foutait de tout. Rageant de perdre au Monopoly. Maintenant perdre l'un d'entre nous, c'était foot. Récréation, CS, coûte. Génération, maintenant envoie le shoot. Plus sec proche du mur des lamentations. T'rappelles au pire, rien ne peut nous arriver. Vivant au jour le jour, malgré la connerie. Aucune notion de la gravité. Perte de mémoire, à me demander qui suis-je. Mais nous sommes toujours les mêmes, en plus une petite dizaine de biches. 87 lyrical, qui à l'époque avec SX. Collection de 8-6, et moins de cours grattés que de lyrics. La MJC, les concerts, Chirac, Amiens, Novosserre. Avant c'était rien gratuit, mais maintenant on achète notre cancer. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude. L'horloge tourne et change les habitudes. À l'âge d'or de l'insouciance, quel drôle d'attitude. Face au miroir, je me reconnais toujours. Quelques rides autour des yeux, vertige car j'ai pris de l'altitude.